sorry. 토마 fermer. Chante avec moi. Je ne voulais pas te faire pleurer, mais je t'ai fait faire pleurer. Je suis désolé. Mais tu sais, personne n'est parfait. Allez, Coco. Ne voulais pas faire pleurer. Je n'ai pas pu me contrôler. La vie parfois est difficile. Je ne peux pas me contrôler. Je ne voulais pas vu. Essayez d'effacer le temps. essayer d'effacer le passé. Dis-moi. Entendu.